Salut. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. Pam. Voilà, ça ira mieux demain l'émission avec votre serviteur et Laurent toujours là pour partir du côté de Netflix, d'Amazon Prime, de toutes ces séries un petit peu en marge et qui deviennent de moins en moins en marge puisqu'on abandonne de plus en plus le réseau hertzien pour aller regarder des séries à notre main, on va dire. Eh bien là, je vais vous en faire découvrir une autre. Alors là, ça va devenir difficile hein, parce que là, on parlait il y a quelques semaines avec Laurent de Paramount Plus et qui commence, qui tout doucement va récupérer OCS hein, et donc les House of the Dragon et compagnie vont filer sur Paramount Plus. Et bien là aussi, c'est la première grosse série de Paramount Plus qui était diffusée aux États-Unis et qui est arrivée en France. C'est la première, voilà, la première grosse série, c'est The First Lady. C'est trois femmes. Ces portraits de trois First Lady à différentes époques, c'est notre parloir dans quelques instants, donc dans Ça ira mieux demain. Après, on aura des petites infos intéressantes, et là, une info qui tombait aujourd'hui, dont je ne pouvais pas omettre, bien sûr. Vous savez, mon amour pour Dexter, on a des infos sur Dexter New Blood. Alors, c'est pas forcément une bonne info, mais bon, on y reviendra tout à l'heure. On commence par... Il y a eu du Marc Lavoine tout à l'heure. Là, il va y avoir du Stéphane Echer. Stéphane Echer, c'est aussi toute ma jeunesse, les années 90, les déjeuners en paix, toute cette ambiance. On était fan à l'époque de Stéphane Echer. Stéphane Echer, c'est quelqu'un qui est toujours là. Il a toujours fait des choses, il a toujours fait des disques et tout. Et puis, on l'a un peu perdu de vue. Au-delà, il a mal vécu le confinement et il est reparti à écrire des chansons. Il a écrit un superbe album pendant ce confinement qui s'appelle Aude, avec plein de titres. Et donc, il est venu les défendre hier à la salle Poirel. Un super moment dans une salle comble à la salle Poirel. Et je voulais vous faire écouter le premier titre de l'album. Et il commence comme ça son concert hier. La chanson s'intitule « Sans contact ». C'est tout doux. Et écoutez bien les paroles. Ça parle de tout ce qu'on a vécu. Et on va faire un petit retour en arrière, sans contact, pendant cette pandémie qui nous a fait tant souffrir et dont on garde encore quelquefois pas mal de séquelles. Voici Stéphane Echer, tiré de son album « Aude ». Voici « Sans contact ». Enfermés dans nos sacs, à moitié fous, nous manquions de tout. Tombés du nid, nous n'avions rien appris. Nous avions tort et nous comptions nos morts. Entre deux eaux, nos navires prenaient l'eau. Seuls dans la brume, avec nos vies sans lune. Hors de rage, le vent tournait nos pages. Et l'ennui nous avait englouti. Souk FM lançait le capitaine. Où sans quoi nous coulerons, mes fidèles compagnons. Comment te dire, sans contact, enfermé dans nos sacs, nos corps sont vides, nos horizons détruits, et c'est à peine si du sang dans nos veines. C'était bizarre de se regarder sans se voir. Quel rivage, quel étrange paysage, mais si loin encore. C'était ça notre sort. Elle rangeait les jours sur la page, un lumineux rivage sous nos yeux, l'obscurité et le feu. Stéphane Escher dans Ça ira mieux demain avec une sublime chanson. Ah oui, on en a plein d'autres comme ça en réserve et je pense que je vais un peu plus vous refaire redécouvrir du Stéphane Escher. Et puis il a réorchestré, il avait une dans cette salle, c'était un petit peu pas forcément acoustique, mais il y avait une joueuse de harpe qui a refait tous ses morceaux avec une harpe. C'était magistral. J'espère qu'il y aura un live de cette, enfin, CD live de cette tournée. C'est plus trop à la mode hein, de faire des. Non, oui. C'est plus trop à la mode de faire des lives, des CD live. Mais par contre, les versions étaient sublimes. Donc. Non, ce qui est à la mode en ce moment, c'est je te sors un album. Oui. Et puis je te rajoute. Et 8 mois plus tard, je te ressors l'album avec 4 titres en plus. Et après, je te refais une troisième sortie avec 2 autres titres en plus. Ça marche. Ouais, mais il faudrait pas qu'ils abusent de trop, parce qu'à force, quand les albums sortent, eh ben tous les fans vont se dire, on va pas se jeter sur l'album parce qu'il va en ressortir. On va attendre après. Et à force de jouer avec ça, finalement, ils vendront plus d'albums. Hein. Attention, messieurs, ça, c'était un conseil de Monsieur Haute 40. De Monsieur Haute 40. Allez, sans plus attendre, on a eu un homme. Maintenant, je vous propose 3 femmes, 3 first ladies. C'est notre parloir du jour. Alors, donc, je mets le Bienvenue au Palais ? Non, le First Lady. Ah, d'accord, voilà. J'avais pas compris. C'est le sujet du jour. C'est le sujet du jour. Ah, il est fatigué, hein, c'est pas grave, c'est le soir. Ça ira mieux demain. L'émission. Direction Paramount Plus, nouvelle chaîne du groupe Canal Plus, pour découvrir cette série de 2022, The First Lady, qui arrive chez nous en France. La Première Dame a été créée par Aaron Cooley. La série nous plonge dans la vie de trois des premières dames les plus influentes du siècle dernier, Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama. Le casting est étoilé. La Première Dame met en vedette l'actrice oscarisée et légende vivante Viola Davis dans le rôle de Michelle Obama. La star de cinéma emblématique Michelle Pfeiffer dans le rôle de Betty Ford et l'actrice de télévision bien aimée Gillian Anderson, lauréate d'un Emmy, dans le rôle d'Eleanor Roosevelt. Chaque épisode est réalisé par Suzanne Beer qui a eu aussi un Emmy. Sur le papier, ce devait être une devanture magnifique pour Showtime, la chaîne américaine responsable de cette série. Une version américaine du hit mastodonte Netflix, The Crown, c'était l'objectif affiché par Showtime. Après tout, qui ne veut pas en savoir plus sur la vie privée des femmes les plus proches du président ? Ce sont des gens qui doivent être des icônes pour la nation et des confidents pour les hommes les plus puissants de la Terre. La capacité dramatique est donc infinie. Je ne veux pas me réveiller dans 4 ans et me dire « Oh non, je ne reconnais pas la personne que je suis devenue. » J'ai l'immense honneur de vous présenter la Première Dame des États-Unis d'Amérique. Regardez le rythme. Je l'ai jamais perdu. La Première Dame doit être une femme très particulière. Hors de question que tu sois dans les coulisses à manier le gouvernail. Ils veulent faire de moi une espèce de Martha Stewart noire. Je choisirai mon équipe et les causes que je défendrai. On est d'accord? Tu savais ce qui t'attendait. Tu m'as caché tes ambitions politiques. Je serai là pour toi. Je serai là, mais je resterai moi-même. J'ai les mains liées. Ne me repoussez pas. Je suis votre épouse, pas l'une de vos petites amies. Vous êtes l'époux d'une femme qui pense par elle-même et qui mène sa propre vie. Ces messieurs pensent que je ferais mieux de me taire. C'est votre chance d'influencer l'histoire. Je suis morte de peur pour mes filles. Je ne pouvais pas devoir te détruire comme ça. J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi. Tout le monde nous juge. Tout le temps. Ils n'auront qu'à essayer de me mettre dehors. Mais ils ne feront pas de moi quelqu'un que je ne suis pas. Paraître aussi sur le papier un minimum original. Mais une fois terminée, elle s'est avérée être bien trop banale pour être mémorable. Pourtant, le concept était intéressant, celui de réunir, au travers de trois époques différentes, trois premières dames. Au-delà de ce concept plutôt fort, The First Lady a du mal à délivrer quelque chose de mémorable, qui donnerait l'impression que les 10 épisodes sont essentiels à l'histoire des États-Unis. Michelle Pfeiffer, dans le rôle de Betty Ford, est probablement l'actrice la plus brillante de toutes et celle qui s'en sort le mieux. Avec un tel casting, on pouvait imaginer que la série serait réussie, mais malgré la présence d'acteurs de premier choix, même pour incarner les présidents, on retrouve Aaron Eckhart sous les traits de Gerald Ford, et mon Kiefer sur Zurland, que l'on ne présente plus pour ceux de Roosevelt. Mais cela ne fonctionne pas vraiment. Même Viola Davis et son incarnation très caricaturale de Michelle Obama est un immense problème, et cela dès le premier épisode. De nombreux sérivores ont cru qu'elle incarnait un sketch pour le Saturday Night Live, et pas vraiment Michelle Obama et son histoire personnelle. Sans aller aussi loin, je confirme l'étrangeté de la prestation. C'est un peu réducteur de limiter Michelle Obama à une femme noire, intelligente et incomprise. Surtout que ce n'est pas l'image qu'elle pouvait nous donner à l'extérieur. Les autres First Lady n'échapperont pas non plus à la caricature, qui sont pour le moins ultra réductrices. Betty Ford et l'alcool, pour ne citer que cela. Le mélange des histoires, jonglant ainsi entre les époques et les présidents, ne fonctionne pas vraiment. On a tendance à s'y perdre, sans que cela ait réellement de sens ou d'intérêt narratif. La série ne cherche pas à égratigner non plus ce qui se passe dans les coulisses de la Maison Blanche, comme d'autres séries, plus romancées certes, pouvaient le laisser présager. Il aurait été intéressant d'avoir quelque chose de plus critique sur le pouvoir et ce que les premières dames ont pu endurer. The First Lady aurait été sans doute bien plus passionnante si elle avait choisi de raconter l'histoire d'une First Lady chaque saison, ou bien se concentrer sur un personnage par épisode. Les personnages secondaires auraient aussi pu sortir leur épingle du jeu, mais il n'en est rien. Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama méritaient des nuances, ils méritaient de la profondeur, ils méritaient peut-être un scénario et des écrivains réellement désireux de faire des recherches et d'appliquer l'imagination nécessaire à un projet comme celui-là. Ils méritaient donc plus ceux de Showtime. Ce qui est sûr, c'est que la comparaison avec The Crow ne tient pas la route. C'est une mission quelque peu ratée pour Showtime. Mais est-ce que le public français y sera plus sensible? Eh bien, à suivre. This land is your land. From California, well, to the New York. made for you and me. Et oui, c'était The First Lady, ces trois femmes et trois présidentes américaines. Alors oui, je disais à la fin de mon sujet, est-ce que les Français seront peut-être plus favorables ? On n'a pas beaucoup de chiffres, hein. Paramount Plus ne communique pas trop, hein, déjà sur ses abonnés, hein, puisque c'est une plateforme naissante, mais on communique très peu sur ses chiffres et va tout doucement monter en gamme au niveau des séries présentées. Alors c'est étonnant, c'est rare que les Américains se plantent. Et c'est vrai, dans le sujet, tu dis, mais pour quelle raison ils n'ont pas plutôt opté sur 10 épisodes, un épisode pour un des personnages, ce que les séries The Walking Dead font régulièrement. Mm-hmm. À un moment donné, surtout du côté de The Walking Dead, la série mère, l'intrigue s'arrête et on a un épisode centré sur un ou deux personnages qui sont ensemble et non pas plusieurs intrigues dans un épisode. Là, est-ce que réellement ils avaient de la matière à chaque épisode pour vraiment intéresser les gens sans vouloir froisser voilà, les familles Tu as effectivement employé un mot qui, à mon avis, a tout son sens, c'est froisser. Il ne fallait froisser personne et pas trop creuser, pas trop gratter. Donc finalement, on reste très superficiel et c'est ce que je disais avec Madame Obama. Michelle Obama, sans entrer dans les détails de sa vie, juste ce qu'elle laissait paraître ne transparaît pas dans la série. Alors en creusant en plus, on aurait pu aller en profondeur elle devait avoir une richesse de ce personnage terrible, parce que c'est celle qu'on connaît le mieux. C'est étonnant, parce que Viola Davis, on l'a vu dans de nombreuses séries, c'est une excellente actrice. Et Michelle Obama, ça a toujours été, quand elle était à la Maison Blanche, aux côtés de son mari, ça a toujours été une femme lumineuse. Eh oui. Alors comment ont-ils pu arriver avec un tel personnage, une telle actrice a quelque chose qui ne tient pas la route. Ouais, mais je pense que c'est pas forcément de la faute de Viola Davis. Elle a pas eu les moyens peut-être d'aller au bout de son personnage ou le scénario n'était pas Après on fait avec ce qu'on a et à suivre. Si on en entend parler, à mon avis, il y aura pas de. Ça m'étonnerait qu'il y ait une autre saison où qu'on creuse un peu d'autres personnages. Bah, en tout cas, moi, j'ai cherché pendant le sujet. La série a été annulée et voilà. Elle n'est plus en production. Donc voilà, il n'y a pas aucun risque. Enfin, aucun risque. Il n'y a pas de suite possible sur cette First Lady. Mais tu peux t'imaginer que le coup a dû être énorme quand tu vois le casting. Ah bah, le casting, c'est un peu dommage parce que Kiefer Sutherland est complètement sous-utilisé. Mais bon. Même lui, non, il y a un gros problème. Là. Ils ont pris les scénaristes de Demain nous appartient. Ils ont pris Je ne sais pas. Allez, on continue. Quelques infos vite fait parce qu'il est déjà 19h25. Et je mets donc Bienvenue au Palais. Voilà. Bienvenue au Palais. On va finir avec cette info phare, à moitié triste en ce qui me concerne. On va parler de Dexter, New Blood. Eh bien, la saison 2 vient d'être annulée. C'est l'info de ce 3 février 2023. Pourtant, après une audience solide et plus de 8 millions de téléspectateurs en moyenne par semaine pendant la diffusion des 10 épisodes de cette première saison, on espérait et on avait... On ne l'avait pas annoncé, on ne l'a pas annoncé à l'antenne, mais la deuxième saison était en cours d'écriture et était plutôt bien avancée. Mais on l'a appris donc aujourd'hui. L'annulation de cette seconde saison de Dexter. Alors, l'info n'est pas surprenante dans le sens où, alors qu'on avait bien sûr avancé sur cette deuxième saison, on annonce que ce n'est pas totalement fini pour la licence Dexter, puisqu'il va y avoir un préquel sur la jeunesse de Dexter. Alors là, Ouais, moi, je suis pas. J'ai peur. J'ai peur parce qu'on risque de tomber dans la série, dans toutes les séries qu'on peut voir un peu sur des jeunesses. On va voir Dexter au collège, au lycée, avec d'autres, aller à la fac, et puis commencer à voir naître en lui ses pulsions. Je ne sais pas trop comment on peut amener un préquel de Dexter. Sur quelle période? Est-ce que ça va vraiment être la toute jeunesse ou son adolescence? Voilà, c'est donc la seule info que l'on a, c'est la mise en route et la signature de ce préquel sur la jeunesse de Dexter. Alors, quand tu sais que la série d'origine, c'est l'acteur principal notamment qui la tient à bout de bras. Aussi. Là, du coup, moi aussi, gros doute. Hein, ce n'est pas l'acteur original qui va faire sa jeunesse, ça m'étonnerait. Hein. Quel serait l'intérêt? Michael C. Hall. Mais voilà, l'intérêt de Dexter sans Dexter, entre guillemets, sans l'acteur. La suite, comme on l'avait un peu imaginé quand on en avait parlé dans l'émission, c'était, on suivait le fils de Dexter et on aurait très bien pu avoir des apparitions du père dans son esprit ou comme il avait la possibilité de voir des morts. Il voyait des morts, Dexter, il discutait aussi avec les... On aurait pu imaginer ça, ça aurait pu être effectivement une suite, somme toute logique, de Dexter New Blood. Là, on revient en arrière avec effectivement la jeunesse. Il peut avoir des choses à exploiter, mais il n'y aura pas l'acteur. C'est plus risqué. Alors, ça sera quoi les premières pulsions? Il sera en train de suicider les animaux ça va pas te plaire. Non, mais là, dès le départ, c'est mort. Hein. Non, mais c'est bizarre comme info. Ouais, voilà. Ouais. Donc, à suivre. Donc, en tout cas, il n'y aura pas de saison 2 de Dexter New Blood. Mais un Dexter préquel, on va suivre ça comme on suit d'ailleurs toutes les infos concernant cette série qui est un peu une série un petit peu à part, hein, un ovni que l'on a apprécié tous les deux. Et donc, on vous tiendra au courant du déroulement de cette affaire. En tout cas, du côté des États-Unis, ils sont un peu échaudés des marques installées. Ils ont fait pas mal de remakes. MacGyver, ça a été moyen. Dynasty, ils ont tenu le feuilleton à bout de bras pendant 5 ans. Et je pense que là, ils sont un peu réticents à remettre de l'argent sur la table pour d'anciens formats comme Stargate SG-1 qui, là, est retombé dans un trou. Et deux petites infos pour finir dans la semaine. Il y a une grosse nouveauté qui arrive, c'est jeudi, je crois, le 9 février. C'est la quatrième saison, première partie de You. Rappelez-vous, You, c'est Joey qui va cette fois-ci partir ailleurs et partir à Londres dans l'espoir d'enterrer le passé, de repartir à zéro, comme ce qu'il fait à chaque fois, à chaque saison, généralement. Sauf que là, le chasseur devient le chassé. Voilà, c'est ça. Le chasseur devient le chassé. Et donc, c'est comme je vous l'avais dit, donc une saison en deux parties, avoir quelques épisodes là et la fin un petit peu plus tard, courant mars ou avril. Et alors, une petite curiosité, les critiques sont plutôt bonnes. Un dessin animé qui arrive sur Netflix aussi le 9 février. Déjà, rien que le titre est tout un spectacle. Papa est un chasseur d'aliens. Donc déjà, rien que ça, ça fait rire Laurent. Et donc, c'est un chasseur de primes intergalactique qui assume son devoir de père envers et contre tout quand ses deux enfants embarquent par mégarde avec lui dans son vaisseau. Et bien sûr, ça va perturber sa mission. Donc, papa est un chasseur d'aliens. Et donc, c'est quand même... C'est très bonne critique, un peu de tout le monde. Ça rassemble tout ce qu'aurait pu donner un mélange de Guillermo del Toro dans Chasseurs de Trolls ou des séries animées comme Final Space. Et il y a des allusions et des castings avec des personnages de Stranger Things qui donnent leur voix. Alors, pour ceux qui l'écouteront en VO ou de The Boys. Voilà, c'est et niveau mise en scène et relations familiales, on nous annonce une série à la hauteur. Donc voilà, 10 petits épisodes à partir... De jeudi, si vous voulez tenter un petit dessin animé, Papa est un chasseur d'aliens, c'est la petite pépite du soir. Rien à voir avec Papa Bricole. Non. Allez, on en reparle à l'occasion. C'est le moment de nous quitter dans une demi-heure. Le Hot 40, je vais faire une pause déjeuner. Et on se dit à la semaine prochaine ou à tout à l'heure pour ceux qui seront avec moi pour le Hot 40. À vendredi prochain. Bye bye. Bonne semaine sur Fadjet.